son image et domine sur toute la terre. Dieu vit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de l'Éden. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il créa était si beau. Voici l'homme à son image. Il lui fit une aide semblable. Émerveillé, l'homme vit la femme. Voici cette silence de mes os, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur, ma plus belle fleur. S'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. La chair de ma chair, dans mon cœur, je t'aime, chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, chérie, tu es mon amour. Que Dieu comble nos cœurs pour toujours. Alléluia. Voici cette fois silence de mes os. Voici cette fois silence de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Qui fera tout mon bonheur. I'm not alone.